question? Faire comme le juge. Silence dans la salle. Sinon, il fait évacuer. Doit-on donner un nom à ce troisième cerveau? Non. Le cerveau éthérique, est-ce la même chose que la glande pituitaire? Non. Ce sera pas long la période de questions aujourd'hui. Sinon, se développe-t-il avant ou après? Après. Parce que quelqu'un qui n'a pas de glande pituitaire, là. La glande pituitaire, c'est une glande endocrinienne. Et elle existe dans les cerveaux humains, chez les animaux aussi d'ailleurs. Et c'est une glande qui a par contre un très grand rapport avec l'évolution d'un troisième cerveau. C'est une glande qui a comme fonction de privilégier la pureté dans le corps physique, privilégier la pureté des mécaniques d'ascension, privilégier la pureté de l'intelligence qui va permettre la création d'un cerveau étant capable, un cerveau capable de recevoir de l'intelligence supramentale et en même temps qui va permettre l'élaboration d'un centre laryngé. La glande pituitaire, c'est la glande pinéale, on a deux glandes. On a l'hypophyse, on a l'épiphyse, qui ont chacun un grand rôle à jouer. Il y en a une qui va être la glande médiatrice des mécaniques astrales. La psychologie va s'exprimer par la glande, par l'hypophyse, entre autres. On parle de la pituitaire. Et l'homme peut vivre avec la glande pinéale, d'autres mécaniques, l'épiphyse. Là, l'humain va vivre un contact avec les sphères supramentales. Et ces glandes-là, tout le long de l'enfance, vont fonctionner d'une façon particulière. Et vers l'adolescence, la glande pinéale cesse de fonctionner progressivement. Mais elle fonctionne de nuit, elle arrête un peu, etc. Et elle m'a rendu à un moment donné, quand l'humain commence à développer son troisième cerveau, la pinéale recommence à fonctionner. Et progressivement, elle va assujettir la glande pituitaire à un contrôle particulier. Quand l'humain va avoir ces deux glandes-là assujetties au contrôle supramental, l'humain ne sera plus un adulte conventionnel, c'est-à-dire que l'humain ne sera plus reproduisable, donc il ne sera pas, sexuellement parlant, il va être stérile. L'humain va perdre graduellement sa libido, donc les désirs de relations sexuelles. L'humain va perdre graduellement son obligation de faire des combats de territoire, extrêmement important, parce que l'humain est extrêmement assujetti au combat de territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, elle est jalouse, par exemple. C'est un combat de territoire. C'est une poule qui se bat dans son poulailler pour garder son coq. Le bonhomme, il est jaloux. C'est la même chose. C'est un combat de territoire. Là, c'est le coq qui se bat. Ben non, c'est le bouc qui se bat contre les autres. Il veut garder sa brebis. L'humain va le faire aussi au niveau national, évidemment. On a des combats de territoire. On se bat pour des frontières, pour des limites qui n'existent pas géographiquement et géologiquement, qui sur la surface n'existent pas. Alors, progressivement, l'humain va donc, en abandonnant la mécanique sexuelle, l'humain va abandonner tous les phénomènes de combat de territoire, ce qui va faire en sorte que l'humain ne sera plus assujettissable à l'idée d'une famille, par exemple, d'une cellule familiale. Il sera capable d'un amour gratuit, d'un amour instantané, qui est le phénomène qui arrive normalement après les prémices du contact supramental. Et alors, l'humain va donc être désassujetti de l'amour émotif. L'humain va commencer à vivre d'un amour sentimentique, que d'un sentiment qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus agréable, puis qui n'est pas problématique. Alors, au fur et à mesure que les glandes vont être assujetties au plan supramental, le troisième cerveau va réveiller la glande pinéale, qui va recommencer à sécréter des hormones particulières, qui va commencer à limiter l'expression psychosexuelle, puis progressivement, l'humain va se diriger vers une androgynie supramentale, mentale, psychologique et vitale. Lorsque je ferme les yeux pour visualiser quelque chose, exemple deux pommes, je ne les vois pas, ni en blanc, ni en rouge. En arrière. Je me rappelle quelque chose. Je les imagine, mais sans les voir. Comment développer cette vision? Ben, c'est très simple. Pour développer la vision, là, une petite technique facile, c'est d'y aller avec le phosphénisme et disons avec la mémoire réticulienne. Réticulienne, ça. Regardez une pomme, là. Fermez vos yeux, vous allez la voir encore. de la voir de façon oculaire, de mémoire oculaire, c'est resté, ça reste, c'est bon. Puis à un moment donné, bien là, vous la regardez, fermez encore vos yeux, vous allez la voir encore, puis progressivement, vous êtes capable d'étirer le temps, vous allez la conserver. Parce qu'à un moment donné, elle va disparaître au niveau de l'œil, puis elle va être maintenue par le cerveau. Donc, vous commencez maintenant à être capable de visualiser. Hein, parce que tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut visualiser au départ. Il y en a qui vont être capables de créer des phénomènes auditifs, d'autres tactiles, sensitifs, etc. Mais la visualisation, c'est pas tout le monde. Alors, c'est une des façons, c'est ça. C'est que vous regardez n'importe quoi d'une pomme. Ça peut être une orange. Hein, ça ne dérangera pas. Mais on regarde n'importe qui, n'importe quoi, c'est pas sans conduisant. Et puis là, vous fermez vos yeux, puis là, vous allez... J'ai déjà fait ça. Mais tu conduisais dans ton garage? Non, là, sur la rue. Fermer les lumières la nuit, voir si... Ah oui, ça, j'ai fait ça souvent, moi aussi, pour voir si ça faisait noir. Je sais pas si je suis capable de conserver la route un bon bout de temps. C'est pas quand ça va à la ligne droite, c'est pas pire. Ouais. À Montebello, quand on monte, souvent on fait ça, on veut savoir si on va faire noir dans le bois. Fait qu'on éteint, on rallume vite, on fait noir. C'est pas nécessairement génial, mais j'ai... C'est intéressant. Je fais ça aussi la nuit. Tu faisais ça en tout cas en motoneige. Ouais, en motoneige. Il faudrait qu'il vous compte ça, en tout cas. Faut pas penser par ce qu'il a fait, lui, parce que c'était un imbécile averti quand il était jeune. C'était pas vraiment pas génial. Ouais. Effectivement. C'est ce que ma mère disait. En motoneige sur un lac. On peut se compter? En bateau aussi. En bateau aussi, mais en motoneige. C'est intéressant, en motoneige. Vous partez à l'extrémité du lac la nuit quand il fait noir, là. Puis là, vous éteignez les lumières, puis vous foncez dessus, voir si vous allez vous manquer. C'est ça, mon chum. À un moment donné, là, ça y allait, d'un coup, il y a l'impression que quelqu'un t'a passé, là. Ça a marché. Avec des moteurs moteurs aussi, c'est plaisant. Ça occupe. Ouais. Une chance que les imbéciles sont protégés. Ah, c'est une chance. T'avais un ange gardien. Ah, mais je ne traînais pas avec un. Avec tout ce que t'as fait, toi. Et t'en restes plus gros, là. Non. Non, la dernière folie avec l'auto, là, il y en a un qui était aplati d'un arbre. Il reste plus gros, là. Il est temps que je passe à une vidange. Ah oui, c'est ça. J'ai un problème de santé. Je veux savoir la cause et quelle thérapie peut me guérir totalement. Comment puis-je le savoir? En vous informant. Le problème, moi, quand on me pose des questions comme ça, c'est que je réponds toujours d'une façon qui est plus absolue. C'est que je ne suis pas bâti, n'est-ce pas, pour répondre, corriger les symptômes. Je ne dis pas que ce n'est pas correct de corriger les symptômes, c'est extrêmement utile, mais ça ne fait pas partie de ce qui me traverse facilement. Je serais beaucoup plus enclin à expliquer toute la problématique de la maladie, de la psychosomatose, des mécaniques d'expression ou d'imprimerie astrale dans le corps physique qui vont faire en sorte que la personne devient malade. Puis une personne qui veut s'en sortir, elle peut s'en sortir en guérissant le symptôme, puis dans un an, deux ans, trois ans, ou deux semaines, ou quinze ans, elle aura d'autres maladies, parce qu'elle n'aura pas réglé le problème. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est toujours le... Disons, les visions à long terme, ça ne veut pas dire qu'on doit souffrir pendant 20 ans, mais plutôt que de guérir ce qui est exactement là. J'ai un problème de santé. Bon, souvent, moi, je regarde une personne, par exemple, bon, au niveau du séminaire, souvent les personnes sont là, puis une question comme ça, je regarde la personne, puis là, j'explique c'est quoi ces problèmes de santé. Et puis après ça, on peut parler plus facilement au niveau de ce que c'est comme thérapie. La première thérapie qu'il faut que la personne fasse, la chose la plus... Une personne qui se conscientise, elle devrait développer chez elle des raisons intelligentes d'être en santé. Puis pour la majorité des humains sur la planète Terre, là, c'est pas évident que c'est intelligent d'être en santé. Quand on vérifie les égos, on se rend compte que la majorité des égos veulent être malades. Ça fait partie des schémas corrects. Quand on est malade, bien, on fait pitié. On attire l'attention. Ça nous donne des raisons pour ne pas réussir, pour ne pas trop évoluer rapidement, pour ne pas... Là, je parle pas du mental, hein. J'explique souvent aux personnes qu'il y a une grosse nuance entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe au niveau de l'ego. Il y a plusieurs personnes qui veulent dans la tête, qui font toutes les essais, toute leur vie, puis ils ne réussissent jamais rien. Pourquoi? Parce que leur ego n'a jamais voulu. Puis comme c'est l'ego qui contrôle le corps physique, dernièrement, je suis avec un PMC+, dimanche dernier, au séminariste, puis c'est ce que j'expliquais. C'est extrêmement facile. Vous venez pour, vous dites, je vais téléphoner quelqu'un. C'est telle personne, c'est important. Fait que là, vous vous approchez du téléphone, puis là, subitement, votre ego, lui, il tripote un peu votre vessie, puis là, il avait envie d'aller aux toilettes. Puis une grosse envie, là. Fait que là, vous dites, bon, ben, crime, mal aux toilettes, je vais pas, bon, vous allez aux toilettes. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il sécrète des endorphines cérébralement, il sécrète des petites choses. Puis là, quand vous sortez de la chambre de bain, là, Vous en rappelez plus le fait de téléphoner. C'est ce qui arrive. La personne, elle a beau vouloir, tant que l'ego n'est pas d'accord, elle vient tout, l'ego vient tout de faire au complet. C'est ce qui arrive au niveau des psychosomatoses. Alors, la personne, elle a un problème, effectivement. La cause, c'est un baromètre. La cause, on a vu un peu comment... Si la personne met en pratique le processus du miracle, elle peut probablement régler tout ça au complet son problème. C'est la conférence la semaine dernière? Oui. Semaine dernière? Bon. Ou l'autre avant. En tout cas, la structure opérationnelle du miracle, ça fait une semaine ou une semaine et demie ou deux semaines. Pas une semaine et demie, bon. Et puis, faut pas exagérer. C'est pas une semaine ou deux semaines, ça va pas une semaine et demie. Parce que moi, le temps, c'est tellement... Ça fait deux siècles et demi. Et puis, à un moment donné, ben, on fera d'autres conférences sur les psychosomatoses, le système des maladies, puis sur les guérisons, mais en fouillant la structure opérationnelle du miracle, ce serait probablement ce qui serait le mieux pour la personne. Ça n'empêche pas de consulter un praticien, quelqu'un qui pratique comme il faut la médecine. Est-ce que par... Pas un docteur. Parce qu'il y a des docteurs, il y en a en philosophie, il y en a en mathématiques. Docteur en médecine. Est-ce qu'en faisant du facialateur, est-ce qu'on peut trouver la cause? Ben, c'est évident que la personne viendrait se coucher ici, là, puis on pourrait la facialatiser, puis après une demi-heure, on saura tout. C'est sûr. Pourquoi, lorsqu'on est épuisé et qu'on part en vacances, on revient très énergisé? Où et comment l'énergie s'en va-t-elle? Bon, asseyez-vous. Ça va être long. Ça va être compliqué, ça va être long. C'est intéressant. On va passer bien vite les autres, qui sont aussi intéressantes, j'imagine. Mais des fois, on part en vacances, puis on revient, puis on est plus fatigué qu'avant. On est plus fatigué, oui, c'est normal. Mais oui. Juste brièvement. Bon, en vacances, prochainement, là, je vais tirer ça pour apprendre. Ce qui arrive simplement, c'est que la personne, quand elle est ici, on va dire au Québec, elle est assujettie à un paquet d'égrégores. Les égrégores, c'est des espèces de grosses ballons avec un paquet d'informations là-dedans, puis ces informations-là sont connectées à vous par un paquet de fils, puis ça vous dit quoi faire. Fait que les égrégores de couple, par exemple, un homme et une femme, faut que ça s'engueule, tu sais, c'est normal. Fait que quand ça s'engueule pas, l'égrégore vient à un moment donné ramasser un ou l'autre pour qu'il s'engueule. Un égrégore de couple, ça marche comme ça. Un égrégore de couple, ça va faire en sorte que normalement, le bonhomme, il marche en avant de la bonne femme. Tu sais, bonhomme, il marche ensemble. Et qu'il y a un paquet d'égrégores comme ça qui vous font dire, qui vous instruisent ce que vous devez faire. Pourquoi? Parce que l'humain est tellement associatif à sa mémoire que l'humain ne sait pas quoi faire. J'ai déjà expliqué que quand on rentre dans un ascenseur, puis il y a du monde dans l'ascenseur, bien, quand il y a un égrégore de gens qui prennent l'ascenseur, ça nous dit quoi faire dans un ascenseur. Fait que si on est deux à jaser dans l'ascenseur, il y a quelqu'un qui rentre dans l'ascenseur, on arrête de parler. Il y a une tierce personne. Puis quand elle sort, on continue à parler. Bon, ça, tout le monde fait comme ça. Il y a un égrégore qui vient te dire que dans un ascenseur, quand quelqu'un rentre, tu fermes ta boîte. Quand tu es un jeune révolté, ben là, c'est l'égrégore qui vient te dire que quand quelqu'un rentre, tu parles plus fort. Tu tirailles un peu. Tu lances ta casquette d'un bord à l'autre. Bon, parce qu'il y a des casquettes. Ah oui, les jeunes ont des casquettes. Il y a des égrégores. L'humain est connecté à des égrégores. Vous rencontrez un patron, c'est votre ami. Il vous engage, vous allez être instruit par l'égrégore de l'employé face au patron, vous allez perdre un ami pendant que vous travaillez, et c'est des égrégores. Alors la personne, elle est au Québec, elle est associée à un paquet d'égrégores. L'égrégore du conducteur automobile, il faut qu'il chiale, il faut qu'il sécrète, il faut qu'il coupe, il faut qu'il... etc. Bon, des égrégores, comme les femmes, on le vend des choses, trois paquets d'avance, ça sauve du temps, tu sais. Mais, c'est une sorte de concessionnaire, ça, c'est pas sexiste, ça, là. Si je serais une femme, j'aurais dit les hommes, vous voyez, c'est pas sexiste. Mais l'humain, quand il part en vacances, normalement, il s'expatrie, c'est-à-dire qu'il s'éloigne suffisamment de ses égrégores. Puis les meilleures vacances sont celles qu'on prend normalement, soit dans un petit havre de paix, un petit oasis, pas nécessairement au Sahara, là, surtout pas en Arabie Saoudite, mais... dans une petite région où il y a un égrégore différent, puis quand on s'expatrie, on se déconnecte des égrégores qui, normalement, viennent nous têter notre énergie, qui viennent nous obliger à mal dormir, à avoir peur, même si on ne s'en rend pas compte, c'est l'ego qui travaille, à désirer ça, à jalouser l'autre, etc. Là, on se déconnecte, on s'en va ailleurs. Puis là, normalement, vu qu'on est déconnecté, qu'est-ce qui arrive? Bien, n'étant plus assujetti à des canaux de succion, bien, on se retrouve un peu plus. Fait que là, subitement, on a le goût de marcher. Tu sais, ça peut être sur le bord de la mer, ça peut être en pleine forêt, ça peut être n'importe où, ça peut être à Atlantic City, mais là, on se connecte à d'autres égrégores. Mais quand on va dans... Il faut choisir nos places pour aller en vacances. C'est pas uniquement de changer de paysage ou de vouloir visiter le poteau d'Hydro-Québec français, là, comment tu appelles ça, la Tour Eiffel. C'est pas... il faut faire attention. La personne, elle part, puis là, subitement, elle commence à faire du bicycle, puis elle aime ça. Alors, viens ici, puis prends ton bicycle, fais-en. C'est plus ça du tout. C'est du tout, t'aimes plus ça pas tout. Marche pas. Bon, la personne, elle aime marcher, elle revient ici, puis c'est plus ça non plus. Il y a tout un paquet de choses qui va se faire. La personne, elle se sort de ses égrégores, puis là, elle se ressource, elle se retrouve un peu plus. Puis quand elle revient ici, le problème qu'il y a, vu que la personne n'est pas son seul maître contrôleur, quand elle revient dans sa place, au lieu de rester elle, comme elle s'est découverte là-bas, elle revient ici, puis inconsciemment, progressivement, elle redevient ce qu'elle était, ce qui fait que nécessairement ses vacances, à part physiquement, lui servent pas grand-chose. Si on était capable de rester dans le même état qu'on était lorsqu'on était en vacances, c'est-à-dire continuer à prendre nos marches, continuer à lire le journal le matin en se levant une heure plus tôt, puis avoir le temps d'apprécier la journée, on resterait énergisé tout le temps. L'idée, c'est très simple, c'est que restez donc ce que vous êtes, restez vous-même. Bon, ce soir, vous vous amusez, vous êtes des adultes capables de rire. C'est rare, sa planète, ce qu'ils boivent habituellement pour être capables de rire. Bon, là, on s'amuse, on est relax, on placote un petit peu. Après ça, quand on s'en va, on abandonne à l'hôtel ce qu'on était. Puis là, on retourne. On s'en va chez soi, puis peut-être que la maison est plate. Peut-être que les enfants sont tannants. Peut-être que, etc. Puis après ça, on va travailler, il n'y a que travailler la fin de semaine. Moi, je connais un gars qui n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Il travaille de nuit, c'est sûr. Bon. Tu sais, mais on travaille, tu sais, bon. Et puis, là, la personne, ben là, elle rentre dans les autres égrégores. Elle rentre au bureau, à part, elle est toute joyeuse, quand elle approche du bureau, elle commence à se changer, elle rentre en dedans, puis là, un syndiqué. Puis un syndiqué, c'est toujours en maudit, c'est mauvais, tu sais. C'est l'égrégore syndical, pas du syndicat. Mais l'égrégore elle-même, c'est quelqu'un qui est insatisfait. Alors, puis la personne, quand elle sort de là, ben là, elle se connecte à d'autres choses. Vous êtes en vacances, vous conduisez votre automobile, vous roulez lentement, puis vous regardez les maisons, vous trouvez ça beau. Tu sais, c'est une des fenêtres avec des portes, on trouve ça beau. Puis là, à un moment donné, ben là, on revient ici. Êtes-vous capable de conduire aussi relax? Plus capable. Pourtant, vous étiez à New York, un gros trafic, il s'est pollué, il faisait chaud, on s'arrangeait. Alors, on est à Montréal, puis on chiale. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, on chiale, parce qu'on reste à Montréal, tu sais, puis c'est pas comme c'est bon. L'humain doit rester ce qu'il est. Quand je parle de stabilité astrale, c'est ça. Vous devez vous arranger pour interdire toute forme de manipulation psycho-émotive qui fait en sorte qu'on n'est jamais ce qu'on est. Bon, à un moment donné, là, vous êtes bien, vous êtes assis, vous êtes correct, vous vous trouvez correct, vous, tu sais, vous pensez pas génial, là, vous êtes bien. Mais restez comme ça. Là, si vous vous levez, vous marchez d'une certaine façon. Mais marchez toujours comme ça. C'est simple, hein? C'est ça la technique. Bon, après ça, quand vous commencez à manger, quand vous êtes heureux, vous mangez comment? Et mangez toujours comme ça. C'est simple. Quand vous parlez avec des individus, quelqu'un vient chialer, parlez-lui pas. Expliquez-lui pas, il ne pourra pas comprendre, il chiale, un chialeux ne comprend pas. Vous partez, vous faites d'autres choses. Et vous mouchez. En disant aussi que ta grippe est très contagieuse. Oui, la scarlatine, c'est primordial. Et que tu es engagé par l'Université de Montréal pour faire des essais de contagion. Combien de temps ça prend? Ouais, c'est malade. Puis est-ce qu'il peut survivre? Oui. Il faut que vous restiez ce que vous êtes. Je dis souvent, en tout cas, il y a tellement d'affaires qui sont drôles sur le... Mais toute la vie au complet est drôle, vous savez, c'est drôle. C'est bizarre et c'est drôle. Mais on chiale. On arrive à rire. On rit toujours quand c'est dans le passé, tu sais. On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, pourquoi tu n'en riais pas à l'époque? C'est la même chose. Et t'en es sorti pareil, t'es là aujourd'hui. Alors à l'époque, c'était pas drôle. Pourquoi c'était pas drôle? Ils ont sorti une nouvelle drogue, là, d'ailleurs, pour ça. Faut qu'ils vont nous permettre de rire plus souvent. C'est écrit un journal cette semaine. Ils attendent juste que tu décèdes. Puis là, ils vont prendre ton cerveau, puis ils vont faire de la poussière. Ils vont vendre ça, on va respirer ça par le nez, puis on est fou. Fou, ça dépend d'un point de vue. C'était pour le plastique de tantôt. Le grand monarque joue-t-il au baseball? Ben, il ne joue pas aujourd'hui, en tout cas, au baseball. Le grand monarque, c'est un personnage qui ne sait pas encore qu'il est le grand monarque, mais qu'il sait. Ah, c'est comme vous autres, hein. Il y a même des affaires que vous savez que vous ne savez pas. Hein. Tu sais, que vous savez. Puis ça ne vous sert à rien de savoir, si vous ne le savez pas. Mais vous le savez. Le grand monarque, il est là. Il n'est pas encore révélé. Pourquoi il n'est pas révélé? Bonne question, hein? Je vais la poser à la semaine prochaine. Il n'est pas révélé simplement parce que s'il serait révélé, l'astral serait au courant puis il y aurait trop de problèmes. Fait que même lui, il ne sait pas. Il sait. Les autres, ils savent, mais il ne sait pas. Les autres, ils ne savent pas non plus. Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité. Tu comprends ça? Il ne faut pas qu'il sache qu'il sait, parce que s'il saurait qu'il sait, l'astral s'arrangerait pour que ça marche. Oui, mais il sait qu'il sait, mais il ne sait pas. Assez. Vous savez, des fois, quand vous savez qu'est-ce que vous devez faire, puis vous ne le faites pas parce que vous ne le savez pas assez fort. Ça, les subtilités, à un moment donné, là, quand on a des mutations neuroniques, on parvient à être capable de voir des subtilités. J'ai un de mes amis, souvent, qui jase avec lui, puis on en arrive, on n'est jamais d'accord. On est toujours d'accord. Fait que finalement, il va dire, « Oui, mais j'ai raison. » Je dis, « Oui, moi aussi. » Il dit, « Oui, je sais que t'as raison. » Fait que c'est ça qu'il faut faire, mais il ne faut pas qu'on le fasse. Je dis, « Exact, exact. » C'est exactement. On est totalement d'accord. Mais évidemment, c'est pour ça que les gens, ils pensent qu'on est fous. Là, d'ailleurs, où est-ce qu'ils travaillent, il ne faut pas qu'ils parlent comme ça. La subtilité fait en sorte qu'à un moment donné, on en arrive à comprendre des paradoxes. C'est tellement subtil, certaines choses, certaines visions de réalité, que c'est à côté totalement entre un point de vue et l'autre point de vue. Puis c'est où la réalité? C'est les atomes entre les deux. Ce qui fait que pour être capable de le comprendre, il faut que tu acceptes les deux points de vue. Tu as raison et tu as tort. La personne va dire, c'est exact. C'est ça. On se comprend. J'ai rétort. C'est parfait. C'est nouille. C'est entre les deux. Mais c'est comme ça. Il y a plusieurs choses que les personnes savent, mais ne savent juste pas assez. Des fois, moi, je dis des choses, là, la personne, elle se dit, « Hey, c'est ça, vous le savez déjà. » Parce que vous le saviez déjà. Il vous fallait un peu d'énergie, il fallait les bons mots pour arriver à réveiller la femme, on le sait. Le monarque, il sait qui il est, mais il ne sait pas. Est-ce qu'il y a deux grands monarques et deux antéchrists? Ah, oh ben non, c'est déjà assez compliqué d'en trouver un. Je vais passer par en trouver deux. Non, les antéchrists, il y en a une panoplie. Ça, il y en a plusieurs. La majorité des antéchrists sont des êtres supramentaux qui ont comme fonction de détruire l'image archétypale, l'image mémorielle, l'image illusoire que l'humain s'est fait de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des antéchrists qui ont, entre autres, son rôle est de détruire totalement la vision spirituelle qu'a l'humain du Christ. Donc, il va détruire totalement l'image du Christ. Il va détruire totalement l'Église catholique romaine. Il va détruire totalement toutes les églises basées sur le phénomène christique, donc sur tous les phénomènes chrétiens. Pourquoi? Parce que l'humain est confiné à faire de l'idolâtrie. Même si l'humain dirait, moi, je ne prie pas de crucifix, moi, je fais de l'idolâtrie spirituelle, c'est la même chose. Tu pries une forme dans ta tête, une forme spirituelle. Alors, les antéchrists, ceux qui viennent avant le retour christique, le Christ, c'est christique, c'est un terme alchimique, c'est l'intelligence supramentale du point de vue de l'ego, c'est le Messie, ce qui va le transporter, ce qui va le sauver. Et pour que l'humain puisse, la majorité des êtres humains, pour qu'ils puissent entrer facilement, du moins sans trop de souffrance, sans contact, avec l'intelligence christique, avec l'intelligence supramentale, avec l'Esprit Saint, ces personnes-là doivent absolument être libérées de l'attraction du magnétisme des formes. Et les formes sont extrêmement puissantes, ce sont des égrégores, ça amène de l'énergie, et ça vient drainer l'énergie de l'humain pour l'amener dans le monde astral, dans le ciel, dans un endroit qui est utile. Ça ramasse de l'énergie-là, c'est en banque, pour que quand on aura suffisamment massacré la planète Terre, on puisse aller chercher l'énergie qui est là-dedans pour la restaurer, pour la reconstruire un peu. Pour planter des navets et des choux. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain est, une personne qui va dans une église, par exemple, pour entrer en contact avec les sphères célestes, quelle que soit l'église, quelle que soit son obédience religieuse, elle a besoin de forme, elle a besoin de crucifix, elle a besoin, par exemple, si on parle du Gokseng, le Seigneur, elle a besoin de du crucifix, elle a besoin de du diable là-bas, elle a besoin de saint machin, puis etc., puis bon. Et la personne, elle fait de l'idolâtrie, alors qu'un des commandements de Dieu, c'est de ne pas faire d'images représentant les choses du ciel ou de la terre. Fait qu'en partant, c'est déjà très original. Mais ça, il faut comprendre. L'astral, c'est jamais cohérent. Ah, fait que c'est facile de comprendre que tout est correct là-dedans. C'est moi, je veux dire. Et voilà, c'est réglé. On va sauter peut-être. Alors, l'astral, c'est pas cohérent. L'individu qui... Vous avez déjà oublié de quoi on parlait? On parle là-dessus? là, de quoi je parlais. L'humain, progressivement, va devoir se désassujettir de ces structures-là, puis les premiers antéchrists, donc les individus qui auront comme fonction de briser la forme au niveau de l'Église, pour libérer l'essence et l'intelligence à travers la chose, un peu comme les personnes se font une image du Nazaréen, disons de Jésus-Christ, puis si un Christ pointe, puis il ressemble pas à ça, ils en voudront pas. Mais c'est cette forme-là dans leur conscience, dans leur tête, dans leur mémoire qui doit être brisée pour que ces personnes-là puissent reconnaître un nouveau Christ. Puis c'est à quoi il va ressembler le nouveau Christ? Il va probablement ressembler aux individus qui sont ici. Check. Check, check. Check, one, two. C'est un français, ça. One, two, three. Moi, je faisais comme ça avant, je faisais 1, 2, arbre, personne ne comprenait. Je disais 1, 2, 3, tout le monde comprenait. C'est comme accès, c'est quoi. Bon. Alors, c'est ça, il faut démolir les formes. Quel âge a le grand monarque et l'antéchrist actuellement? Le grand monarque, non, il ne faut pas trop. Il y a son âge absolu ou son... Elle savait. 4 milliards. Oui, c'est ça, mais en termes d'âge planétaire, le grand monarque, présentement, il a à peu près. Faut que je fouille parce qu'il y a des parties qui sont de sa génétique, c'est pas bon, on peut rejeter ça. On va dire qu'il a à peu près. On va arrondir à 37 millions 800 000 ans à peu près. C'est compliqué parce qu'il y a énormément de trames. Dépendamment, c'est où je décide qu'on part la chronologie. Un jour, je te donnerai son arbre généalogique. C'est pas moi qui veux l'avoir. Où est l'Antéchrist? Dans quel pays? L'Antéchrist, présentement, il est au Québec. Et le grand monarque aussi. C'est pas le même personnage. Et c'est pas qui vous pensez. Mais certains ont raison. D'autres ont tort. Oui, évidemment. Ça fait partie de ceux qui savent et qui savent pas. T'sais. Quels sont les signes pour savoir si on est l'un des deux? Ah, il n'y a aucun problème. Si on ne le sait pas, on ne l'est pas. Parce qu'il le sait et il ne le sait pas. Mais il le sait et il le sait, il le sait pas. Il le sait. Ça, c'est une question qui est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes, à un moment donné, qui vont se faire ramasser dans leur conscientisation ou même dans leur évolution par les postes astraux. À un moment donné, on va leur donner un poste. C'est-à-dire que dans l'astral, on va descendre, on va ramasser certains individus, puis on va les missionner. Les personnes vivant de médiocratie vont... L'humain a toujours essayé de devenir important en fonction d'un contact avec des pouvoirs, avec des forces ou avec des divinités qui échappaient aux autres. L'humain essaie de se donner de l'importance, par exemple, en étant missionné ou en recevant de l'information d'une source que personne ne peut toucher. Alors, il y en a qui vont se donner de l'importance avec l'occultisme. Occultisme, probablement, ça vient de... Il y a occultat, occultatis, c'est occultum. C'est trouver les choses qui sont cachées, les dévoiler, les étudier, puis les revoiler. Il y a une trilogie au niveau de l'occultisme. Alors, les personnes se donnent de la puissance, se donnent de l'importance là-dedans. Alors, moi, je suis correct. Moi, je peux tout connaître ce qui se passe chez vous. Puis là, elle prend sa petite pilule de nitroglycérine, c'est parce qu'elle fait de l'angine de poitrine. Elle ne connaît rien ce qui se passe chez elle. Mais elle a l'impression d'être puissante. Il y en a d'autres qui vont se donner de l'importance parce qu'ils sont en contact avec les morts, en contact avec les dieux. Et plusieurs personnes, à un moment donné, se cherchent de l'importance. Au lieu d'être ce qu'on est, il se cherche de l'importance. L'ego va finir par autoriser une forme d'importanciation. On va se donner de l'importance en se missionnant. Moi, je suis peut-être telle affaire. Soyez donc rien. C'est tellement mieux, tellement mieux. Mais si vous saviez la quantité de problèmes que vous allez éviter en ne vous laissant pas missionner. Moi, je peux être la personne qui va libérer le Québec. Mais qui se libère bon tout seul? S'il veut qu'il se libère, c'est l'intelligence a prévu qu'il se libérerait, il va se libérer. Que je sois en Floride, que je sois en vacances, que je sois ici. C'est de ma puissance. C'est sûr que je vais avoir peut-être une partie à jouer là-dedans. Bon, OK. Mais je ne missionne pas. À un moment donné, on voulait que je fasse de la politique. C'est intéressant, maudit. Imaginez ce que ça aurait de l'air. Mais, ben oui, parce que ce serait original. Ouais, parce que moi aussi, je m'en souviens. Jean, tu te rappelles, on est allé au Parlement à Québec. Oui. Et à un moment donné, on vote de quoi? On vote un truc extrêmement brillant chez les libéraux, c'est génial. Ils sont tous d'accord. On vote pour. Rendez l'opposition. Contre. Pourtant, c'est brillant. Si on serait en politique, nous autres, ben, on serait à l'opposition, puis on voterait pour. C'est brillant. On avait pour. Là, c'est pas des stratégies du tout. Et à un moment donné, on ferait mieux que ça. On dirait simplement à l'opposition, « Hey, t'as raison, maudit. Toi, là, c'est une bonne idée, ça. Peux-tu venir à mon cabinet? J'aimerais ça qu'on en parle. » Il ne voudra pas venir, lui, c'est l'opposition, il ne vient pas. Il va dire, vous volez nos idées. On dit, bien sûr, vos idées sont bonnes. Il fout d'une poche, on est pas certain. On travaille pour le monde, on ne travaille pas pour se battre entre nous autres. Tu sais, puis on ne marchait pas du tout. On m'expatrierait dans les steppes du Québec. Mais, missionnez-vous pas. Cherchez pas à savoir si vous êtes l'antichrist, anti-n'importe quoi, ou le monarque, le grand monarque et ces choses-là. Vous savez, les choses se font tellement bien tout seul. L'homme ne sait pas ce qu'il fait, puis il le fait tellement bien. Fait que cherchez pas à savoir ce qu'il faut faire. Laissez-vous aller. Soyez heureux, soyez heureuse. Cessez de chialer quand vous vous cassez un ongle, quand vous déchirez un bon nylon, quand vous étirez, vous arrachez un mouton après votre veston, ou quand vous êtes rentré au restaurant, vous avez fait le petit frais là-dedans, puis en sortant, vous vous rendez compte que votre fermeture n'était pas fermée, tu sais. Faut cesser de s'en faire avec toutes les termes, c'est vrai. Soyez donc heureux. Puis laissez faire qui va être, etc. Il y en aura. Il y a du monde ici qui ont une valeur énorme. Mais ça ne sert à rien qu'ils veulent la cultiver. Ils vont tous fausser l'affaire au complet. Les premiers, les prophètes du passé, là, ceux qui étaient pour les fêtes, hein, les prophètes, ils étaient pour les fêtes. Alors, les prophètes du passé, qu'est-ce qu'ils ont fait pour entrer en contact avec des forces particulières, melchisédiennes, varondadiennes ou ces choses-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Subitement, ils ont eu un contact. Après ça, ils ont tout fait pour avoir un contact. Ils n'ont jamais eu d'autre. Fait qu'ils ont écrit le contact, puis ils ont parlé du contact qu'ils ont eu, puis ils ont eu, puis ils ont eu, puis ils ont eu, puis ils sont morts. Puis ceux qui ont écouté ça, ils parlaient du gars qui avait eu le contact dans le passé, puis il n'y a plus un qui l'avait. Jusqu'à temps qu'il y en ait un autre tata qui se promenait quelque part, puis paf, il y a un contact. Et il réplique lui aussi, puis il parle du contact. De ceux qui parlent du vieux, ils rejettent le neuf, puis ceux qui rejettent le vieux, ils acceptent le neuf, le nouveau, puis on s'en va comme ça à travers le temple. On a plein de prophètes, on a Bouddha, on a Jésus, on a Mahomet, puis on a d'autres. Pourquoi? La seule façon d'être bien, c'est d'être bien. C'est simple. Alors moi, par exemple, les gens me demandent souvent qui je suis. Moi, je réponds, je suis un bon gars. C'est vrai, c'est mon gars. Je n'ai pas mal le mot, sauf en cas de légitime défense. Sans ça, des fois, ça arrive, t'as des mais sans ça, je n'ai pas mal le mot, je suis bon. Pourquoi pas? T'sais, même si les gens veulent se donner de l'importance, savez-vous comment important vous êtes pour le cosmos? Non, vous ne le savez pas. Mais c'est pareil. Faut pas essayer de prendre des postes particuliers. Robert Bourassa, Bush, les autres, ils sont pas plus importants que vous autres. La vie fait en sorte qu'ils occupent une position qui, elle, est plus importante que votre position. C'est la position qui est plus importante, pas l'humain qui l'occupe. Le pape Jean-Paul II, sa position est importante. Le bonhomme, là, il part de n'importe quel autre. Dans son village, à l'époque, on regardait les enfants, c'est la même affaire. Parce qu'à un moment donné, ben lui, il est sur des plateaux qui sont plus importants, puis qui vont l'amener jusqu'à la position de pape. La position est importante, mais le bonhomme n'est pas plus que vous autres. Puis s'il pense qu'il est plus important que vous autres, ben il déshonore la position là-bas. L'humain a la même importance. Moi, je suis conférencier. Ma position est plus importante que celle, peut-être, d'auditeur ou d'auditrice, du point de vue stratégique. Mais en tant qu'être humain, est-ce que je suis plus important que vous autres? Si vous pensez que oui, vous causez bien des affaires, vous avez besoin encore de bien des conférences. Parce que je ne suis pas plus important que les autres. Je ne suis pas plus important que toi. Ça, je suis bien d'accord. Pour si je suis pas plus important que lui, ça veut-tu dire que je suis pas important du tout? Imaginez-vous comment... Non, mais il faut comprendre l'idée. Il faut cesser de... On me demande, M. Kem, des fois, ou Daniel, est bon, es-tu le grand monarque? Je n'ai rien à faire, je suis grand monarque ou pas. Es-tu Lazare? Non, je suis pas Lazare. C'est réglé. Mais on n'a pas besoin de savoir. Je connais des mécaniques réincarnationnelles. Moi, j'en connais long sur ce que j'étais dans le passé, ce que j'ai ramené, ce que j'ai digéré. Mais je me prends pas pour ce que j'étais. Non, eux autres, il faut qu'ils se prennent pour ce que je suis. Là, on s'entend. Parce que si je réincarne à un moment donné des particularités à l'époque de la table ronde, je me promènerai pas avec une épée. J'irai pas pisser dans mon armure. Non, mais ah oui, c'était compliqué à l'époque, on ne pouvait pas monter leur armure. Bon. C'est vrai, c'est comme ça. Avant qu'il y ait les fermetures éclair, ils inventaient. Ils mangent gras parce que ça guillait en même temps. Tu sais. Inventer les ouvre-boîtes. Les ouvre-boîtes, la toilette. Après ça, ça a été plus. Les réincarnations qui viennent me chercher, je les digère, ça veut dire qu'elles doivent maintenant vivre comme moi je vis aujourd'hui. Et puis c'est tellement plus simple. Fait qu'on doit cesser, on doit abandonner ce genre de questionnage-là. Suis-je ceci, suis-je cela? Suis-je fait pour détruire telle affaire? Suis-je le mal incarné? Suis-je? Souriez donc. Vous êtes aux insolences des mondes astrales. Faut s'amuser. Puis on est ce qu'on est, c'est bien correct. Il n'y a pas personne de plus important ou de moins important qu'un autre. J'étais en Amazonie, j'ai rencontré des gens qui ont des positions vraiment pas importantes. Sa position à elle, là, c'est d'allaiter les cochons. Sa position. Dans le village, c'est important. Sa planète, je ne sais pas. Mais en tant qu'être humain, je ne la tuerais pas plus que n'importe qui ici ou que lui. C'est la même importance. C'est dommage quand un être humain décolle. C'est dommage. Quand t'es un être humain malade, c'est dommage. Quand il souffre, c'est dommage. Il est idiot, c'est stupide, puis c'est dommage. Mais que ce soit le pape, que ce soit n'importe qui, à cause de la position, on finit par tout projeter. Tu sais, George Bush meurt, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un assassinat du président des États-Unis. Il meurt. Qu'est-ce qui se passe? Mais on en a mis un autre, c'est fini là. Crime, quand il y a des élections, celui qui était là, quand il tombe, là, il meurt. Il n'est plus là, on le remplace par un autre. C'est qui l'autre? Est-ce qu'il a l'expérience l'autre? Ben non. Il n'a jamais été président, il arrive. Mais c'est tout. Pourquoi on protège tant le président? C'est parce qu'on finit toujours par associer la position à l'individu. Alors, tout est mécanicien, ça n'a aucune valeur. Pourquoi? Ben parce que les mécaniciens n'ont pas de valeur. Moi, on dit qu'on ne comprend rien. On parle de position. C'est évident que le président d'un pays a plus de valeur en termes de position que le mécanicien. Le mécanicien est essentiel, mais il y a tellement de mécaniciens que ça ne dérange pas trop s'il y en a un qui décolle. Le président, c'est important. Sauf que l'humain qui est en haut, puis l'humain qui est en bas ont la même importance. Mais les positions sont différentes. Puis ça, l'humain ne comprend jamais. Vous rencontrez un psychologue, puis là, vous vous mettez en dessous. Mais non, les deux humains se rencontrent, ils sont égaux. Les positions sont différentes, collègues. Moi, j'ai une maîtrise, l'autre, il y a un doctorat. On a des positions différentes, impeccables. Mais au niveau de qui a raison, ou qui est qui, ou qui est quoi, ou qui, ça, donc là, c'est plus des diplômes, là. L'humain a la même importance. Vous êtes important. Alors, ne cherchez pas à vous donner de l'importance en fonction de ramasser une position. Moi, je suis plus important que tout le monde parce que j'ai une position différente. Je suis un gars branché. C'est pas à prise de courant. Branché au plan supramental. Ben non, je ne suis pas plus important. Je suis utile. Bon, je suis intéressant. Je me profite de moi-même. Profitez-en. Mais en tant qu'être humain, c'est pas plus important. Puis ça, il faut que l'humain comprenne. Il faut que l'humain ne se cherche pas. Tu sais, pour savoir si on est ici ou si on est ça. Parlant de réincarnation. On parlait de ça. La date et l'année de la naissance du Nazaréen. Mais encore là, on va s'amuser, la date et l'année. 3 mars en l'an moins 7. Pour être précis. Lazare avait-il plus que 3 cerveaux? Oui. Mais aujourd'hui, il y a plus que 3 cerveaux. Mais c'est parce qu'il y a un paquet d'hémisphères cartésiens, un paquet d'hémisphères intuitifs. Oui, mais il était tellement télépathique avec l'autre que ça en parle un paquet. C'est ça, je te dis. Vu qu'il est réincarné dans un paquet de personnes, mais en termes de d'obétérique, etc., Lazare, non, il a un d'obétérique. Donc, il y a un cerveau éthérique, un cerveau supramental, et il y a un hémisphère, on sait qu'il est très isomètre. C'est la première photocopieuse. Est-il possible d'avoir plus que 3 cerveaux? Ben oui, ça dépend des mots qu'on veut mettre. Vous savez, le cervelet, c'est un cerveau. Le bulbe rachitien, c'en est un aussi. Fait que j'ai déjà rentré 4 cerveaux juste dans la tête. Pour le reste, non. Ce qui va arriver surtout, c'est que ça dépend encore ce qu'on veut entendre. Moi, quand je parle du cerveau, je prends un mot qui est un concept intéressant et qui permet d'englober différentes mécaniques. Une personne qui travaille avec son hémisphère droit, puis l'hémisphère droit travaille d'une façon fragmentaire, est-ce qu'elle a plus qu'un cerveau dans le côté droit ou si elle a un cerveau fragmenté? Bon, il y a des personnes, par exemple, qui ont un cerveau extrêmement génial pour écrire des livres, et puis quand c'est question de faire des mathématiques, ils ne sont pas capables. Ils ont un cerveau qui est cartésien pour une structure, il ne l'est pas pour une autre structure. Il y en a d'autres qui vont avoir un cerveau polyvalent. Bon, il est fragmenté. Donc, il y aura des individus, à un moment donné, qui auront l'impression d'avoir plusieurs cerveaux. Moi, je n'ai pas un ajusteur de pensée, j'en ai un paquet. J'ai géré la majorité de mes ajusteurs de pensée, mais j'ai quand même un cerveau éthérique. Bon, ils vont passer par là. C'est sûr qu'à un moment donné, il y aura des entités moroncielles, il y a un paquet de petites mécaniques qui vont apparaître, puis on les fusionne ensemble. Mais du point de vue de la phraséologie, du point de vue de la discussion, du discours, considérons qu'il y a un cerveau éthérique, puis qu'au niveau de la tête, on a un cerveau fragmenté en deux parties, puis c'est pas parce que c'est deux hémisphères que je dis ces deux cerveaux, c'est parce qu'ils fonctionnent totalement différemment. Il y en a un qui est cartésien, il y en a un qui est intuitif. Mais si on aurait une espèce de grosse boule gélatineuse qui ne serait pas divisée comme cerveau, ben je dirais encore, on a deux cerveaux dans la tête, parce qu'il y a une partie qui est cartésienne, l'autre qui est intuitive. À un moment donné, l'humain va finir évidemment par avoir un cerveau qui sera isomètre. Quand il aura un cerveau isomètre, on pourra dire qu'il a un cerveau dans la tête, un cerveau qui est cartésien et intuitif, mais qui c'est global, qui s'entend. Donc, l'humain aura deux cerveaux. Un qui sera éthérique, qui sera capable de gestion instantanée des mécaniques événementielles, puis un qui sera matériel, qui lui sera capable de gestion mémorielle, donc sera capable de faire une temporisation dans le temps, dans l'événement, pour appliquer des choses au fur et à mesure que se déroule la vision illusoire psychologique du temps chez l'humain. As-tu compris? Oui. En tout cas, c'est intéressant. Daniel, pourquoi moi et ma copine, nous pensons et faisons spontanément les mêmes choses régulièrement, et souvent nous nous regardons dans les yeux sans même parler, mais savons ce que nous voulons dire? Ben parce que vous êtes télépathe, voilà, voilà. Tant mieux, c'est parfait. Moi, j'ai ce problème-là avec lui. Chaque fois que je vais y voler une affaire, il sait déjà. Mm-hmm. Fait que quand je rentre chez lui, ah, tu sais, il l'a serré. Ah. Parce que vous êtes télépathe. Simplement. Là, c'est pas parce que vous êtes des âmes sœurs. Si vous seriez des âmes sœurs, vous ne pourriez pas vous sentir. C'est parce que vous êtes télépathes. Vos corps astro vibrent ensemble. Ça peut durer un laps de temps. Normalement, ça ne dure pas toute la vie. On finit par changer les choses. Sauf si les personnes se conscientisent dans l'intelligence. Là, ils vont finir par devenir énergiopathes, ce qui est beaucoup plus efficace que la télépathie. Mais présentement, les personnes sont télépathes. C'est ça. C'est simplement ça. On pourrait travailler l'explication réincarnationnelle de ces choses-là, parce que ces deux filles-là, ces deux personnes-là réincarnent beaucoup de... Bon, on va simplifier, mais c'est un paquet. Il y a une personne qui a vécu dans le passé, puis elle se réincarne dans les deux personnes. Alors, nécessairement, les structures réincarnationnelles sont relativement similaires, pas au complet à cause des différences génétiques, sont relativement similaires, ça fait que les personnes se connaissent et savent déjà ce qu'ils vont faire. Parce qu'il arrive entre nous deux, par exemple. Moi, il y a un personnage très, très, très connu que personne ne connaît, que je réincarne, admettons, disons, à 75%, lui réincarne le 25% du reste. Puis, lui réincarne 75% d'un autre, qui les deux se connaissaient. Moi, je réincarne 25% de l'autre. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, quand il vit des affaires avec sa réincarnation majeure, moi, je comprends tout, parce que je vis la même affaire, mais en plus petit. Puis, on se connaît, puis on se parle, puis c'est la même chose. On fait la même évolution, la même quête, la même affaire. Sauf qu'on est totalement différents, mais on est totalement télépathes. Parce qu'on est le même personnage. D'ailleurs, c'est fait partie de mon malheur planétaire. J'allais le dire. Tu voles mes idées. On est vraiment télépathes. Tu m'as volé mes cheveux. Tu les as avant moi. En plus. Mais l'intelligence, coffre fort. Ça, il ne peut pas répondre. C'est mon temps de la laisser. Moi aussi, j'ai mon temps de me la laisser. Pas de laisser les cheveux. Là. Continues-tu là-dedans ou je pose une autre question? Vas-y. Comme tu veux. Quel lien, quelle différence existe-t-il entre l'onde de retour et la réponse du troisième cerveau? Bon. Troisième cerveau, ce qui nous permet, c'est le décodage. Puis l'onde de retour, ça ça doit être décodé. C'est quoi une onde de retour? C'est le retour d'une onde. Ah, ça n'est pas pire, ça n'est pas pire. T'as une onde de forme, puis qui retourne l'onde, puis c'est l'onde de retour. C'est le retour de l'onde qui est envoyée vers l'onde de forme. C'est ça. Il y a lui de la naissance à la mort. C'est quelle page? Page 217, la quatrième ligne. Il n'a pas lu le même livre que moi, en tout cas, bon. Ah oui, je l'ai lu de, à l'envers. Lui, avant que c'était c'est ça. Alors, chaque être humain, chaque chose, là, on parlait de l'humain pour l'instant, émet de l'énergie, émet une image. Hein? Une onde de forme, c'est-à-dire que la forme, elle a une onde particulière, puis c'est elle que les individus vont capter. Puis en fonction de l'onde de forme, c'est ce qui va déterminer dans l'astral de ceux qui vont percevoir s'ils vont être en affinité ou en antipathie avec l'autre. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que, par exemple, le personnage ici qui est en avant de moi, on dit à toi, Plastin, on prend quelqu'un qui est moins beau. Bon. Toi, il émet un onde de forme. La lumière le frappe, elle le ramasse au complet, puis elle ose m'envoyer ça vers moi. Bon. Alors moi, je reçois son onde de forme. Et puis, vous avez son bon profil, là. C'est correct, ici, là. Alors moi, je reçois son onde de forme. Alors mon cerveau, mon astral, la psychologie, tout ça, doit donc se démêler avec ça. Je pensais que tu allais dire se délecter. Non. C'est moi qui parle. Lui, délecté, c'est quand il me regarde. Et moi, là, je parle, me démêler. Moi, c'est vrai, je suis côté celui-là. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à travers tout ce que je perçois de son onde de forme, je rejette mon onde de forme avec une perception qui est perception. Vous comprenez? Bon. Alors ça revient vers lui. Et ce qui revient vers lui, c'est mon onde de forme et avec l'onde de forme qu'il a émise, perturbée par la mienne, qui retourne vers lui. Ça, c'est son onde de retour. Son onde de retour, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, un exemple, il arrive, n'importe qui, vous arrivez, vous pensez être bien habillé, donc vous émettez un onde de forme, là, vous arrivez devant quelqu'un, puis là, la personne, elle vous regarde, elle fait une grimace. Là, vous avez une perception de vous qui n'est pas bonne. Si vous avez bien d'égo, vous allez penser que l'autre n'a pas de goût. Bon. Mais l'onde de retour, c'est ça. C'est que mon onde de forme va vers lui. Moi, je ne la connais pas, sauf dans un miroir, puis elle est inversée. Et puis mon onde de forme va vers lui, puis lui me fait une grimace, ce qui fait que ce qu'il a de reçu, mon onde de forme, revenant de lui, l'onde de retour, m'informe de ce que je suis pour lui. L'onde de retour, c'est donc ce qui va nous permettre, en l'occurrence, de nous connaître. L'onde de forme de la salle ici n'est pas un onde de retour. Par contre, mon onde de forme dans la salle, quand ça me revient, je peux me connaître un petit peu. Mais là, il faut être extrêmement subtil. Normalement, c'est avec les autres personnes qu'on va pouvoir plus voir l'onde de retour. Le troisième cerveau, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il ramasse l'événementiel, la spontanéité, l'instantanéité, il est capable de gérer ça. Ça veut dire quoi? L'intelligence supramentale, c'est un peu comme si, ou le troisième cerveau, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut subitement arrêter le temps. Et là, il prend une photographie de tout ce qui se passe sur la planète dans un temps, disons, X. Le temps arrêté, c'est figé. Il y a l'information de la spontanéité de tous les événements en même temps, figé. Nous, on ne peut pas faire ça avec le cerveau cérébral, avec le cerveau biologique. On est obligé de ramasser comme un film. Ça veut dire que si je veux connaître la salle au complet, dans un temps donné, mon temps devra être X à Z. Je devrais te regarder toi. Le temps continue à couler pendant que je regarde les autres, mais là, je ne l'ai plus lui. Puis là, je continue à fouiller comme ça. Au niveau de la conscience supramentale, spontanément, je sais tout en même temps. C'est ce qui rend l'humain beaucoup plus efficace. Parce que l'humain est capable de voir tous les effets papillons, donc toutes les interrelations au niveau de l'événement. D'un coup sec, tu sais tout. Ça veut dire que tu sais, bon, tu regardes deux secondes après, puis tu as vu le déplacement, fait que tu peux extrapoler, puis ton cerveau le fait quasiment spontanément, puis là, tu sais ce qui va arriver, donc tu ne prévois pas l'avenir, tu la connais. C'est autre chose, tu la sais. L'humain qui vit ce genre de mécanique, c'est un humain qui nécessairement, on parle de déploiement de la conscience, il se désassujettit nécessairement du phénomène de l'événementiel. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'attendre, d'expérimenter l'événement pour connaître une chose. L'onde de retour, c'est l'attente expérientielle. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas si je suis correct tant que c'est pas revenu d'un miroir ou de quelqu'un d'autre. Au niveau du troisième cerveau, on n'a pas cet fractionnement-là au niveau de l'attente, on n'a pas besoin de prendre des secondes, puis on n'a pas besoin de se fier aux colorations des autres, on n'est pas collectif au niveau du troisième cerveau, donc je n'ai pas besoin que quelqu'un me trouve beau pour savoir comment je suis. Moi, je ne suis pas beau, j'exprime ce que je suis. Bon, c'est tout. Fait que si lui, ses yeux sont trop sales pour être capable de voir ce que je suis, il me verra beau ou il me verra laid. Si ses yeux sont corrects, parce que les yeux ne sont jamais trop propres, ils sont pas corrects ou ils sont corrects. S'il est correct, il va simplement me trouver correct. Pourquoi? Parce que je suis dans mon onde de forme, en harmonie, je suis juste avec ce que je suis présentement à l'intérieur de l'onde de forme, à l'intérieur du corps physique. Autrement dit, quelqu'un qui se crée une personnalité, on se rend compte qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il est. Bon, fait que là, on trouve que c'est pas correct. Et là qu'on va dire que c'est un personnage ou qui joue un rôle. Oui, ou encore, mettons, je te regarde comment t'es habillé, puis je vais dire, ben, t'aurais pas dû mettre cette chemise-là, ou t'aurais dû mettre, t'as bien fait de le mettre, ou t'aurais pas dû ceci, t'aurais pas dû ça. Je regarde des personnes ici, puis je pourrais voir simplement qu'il y a des personnes présentement qui habitent les corps physiques, puis ces corps physiques-là ne sont pas à la hauteur, endoformiquement parlant, de ce qui les habite. Et ça nuit aux individus. Parce qu'il y a des personnes ici, je pourrais en pointer quelques-unes, qui présentement se nuisent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne présentent pas l'onde de forme ajustée à ce qu'ils sont. Autrement dit, ils rayonnent quelque chose, puis ils se mettent un filtre particulier. Puis ce qui sort à travers le filtre n'est pas le rayonnement que je sens à l'intérieur. Moi, si je passe par le canal d'ajusteur de pensée, puis je rentre chez quelqu'un, bien, je sais ce qu'il est. Après ça, si je regarde avec mes yeux, je me rends compte que ce qu'il émet n'est pas à la hauteur de ce qu'il est. Et comme l'ego se fie à l'onde de retour pour savoir ce qu'il est, bien, il se nuit. Parce que lui, il se met croche, puis après ça, il se dit « Comment je suis? » »« Ah, je suis croche, je t'accroche. » Mais en réalité, il n'est pas croche, il est bien correct. Il faut qu'il ajuste son onde de forme. Les personnes ici qui sont mal assises, puis la position qu'ils prennent nuit à leur onde de forme. Il y a des personnes ici qui ne sont pas habillées convenablement. Puis quand je parle pas habillé convenablement, lui, il a une chemise qui est karatée. OK? Ça lui va. Une autre personne aurait une chemise karatée, puis je dirais, c'est pas correct. Alors, ça n'a rien à voir avec le vêtement lui-même. Ça a à voir avec ce qui habite l'individu. Bon, si quelqu'un adopte un onde de forme qui est en harmonie avec ce qu'il est, nécessairement, ça lui va. Puis on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous le dire. On se regarde, ça nous va. Mais il y a plusieurs personnes, ils se disent, ils se regardent dans le miroir, puis ils voient toujours le même personnage. Ça fait 10 ans qu'ils voient la même affaire, tu sais, puis ils mettent la même affaire, puis c'est correct. C'est correct. Mais c'est pas correct parce que ces personnages-là changent intérieurement, puis ils font pas suivre au niveau de l'onde de forme. Il faudrait que la garde-robe suive l'évolution de... La garde-robe, la façon de parler, la façon de se tenir, la façon de manger, les amis, l'entourage, tout ça au complet, ça doit suivre. Parce que c'est ce qui va faciliter l'évolution, puis c'est ce qui va permettre à lui-même de devenir riche. J'ai expérimenté ce phénomène, réponse du troisième cerveau, mais je suis incapable de décortiquer les différentes parties du triumvirat. L'homme doit être son seul maître. C'est de la pratique. C'est pas de la théorie. C'est pas de la philosophie. Quand je dis l'homme, évidemment, c'est avec la drogue, là, avec un grand H. La femme ou l'enfant doit être son seul maître. L'être. Enfant, ça prend un H. Femme aussi. F-H-E-M-M-E. Ouais, t'as pas été à la même école que moi, toi, là. Et ben oui, on va avoir de la misère à la bourse, si t'as appris à compter comme t'as appris à écrire. Bon, comment on discerne? Je reviens encore là-dessus, c'est... Premièrement, on doit expérimenter suffisamment, et on doit expérimenter d'une façon transparente. Les personnes, bon, en conférence régulière, je l'explique, c'est sûr qu'on peut pas arriver à tout. Je dis de temps en temps, quelques fois par année, j'explique que quand ça fait plus que 10 conférences qu'on assiste de Daniel Kim, il est peut-être temps de penser à faire le séminaire à un moment donné, pour arriver à passer à une autre étape, aux conférences réservées aux séminaristes. Parce que là, on peut expliquer plus facilement certaines choses. Être son seul maître, être le maître à bord du véhicule physique, c'est nécessairement une question de manifestation, c'est-à-dire qu'on doit contrôler le système endocrinien, le système physique, progressivement. Ça prend le temps que ça prend. Il y aura de la jupénisation, justement de la pensée, par l'isométrisation, par un paquet d'autres techniques. Sauf que la personne, elle doit continuellement, à travers n'importe quelle démarche, que ce soit chez les Krishna, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit n'importe où, la personne doit continuellement être centrée chez elle, centrée dans son intelligence, et en étant centrée, c'est elle qui va décider si l'information qui arrive est de teneur à être accompli ou non. Ce n'est pas, comme je répète encore, on écoutait un paquet de cassettes tout à l'heure, puis on ne sait plus qui parle. C'est pas important de savoir qui parle, c'est important de savoir si c'est correct ce qui est dit. Alors, le triumvirat, c'est évident qu'à un moment donné, bon, si c'est de l'intellect, normalement, ça va vous expliquer la mécanique. Si c'est de l'intuition, normalement, vous n'aurez pas la certitude de la mécanique. Puis si c'est le troisième cerveau, vous n'aurez pas l'explication de la mécanique, puis vous n'aurez pas de doute dans la mécanique. La problématique, c'est que l'humain est temporel. L'humain, tel qu'il est actuellement sur la planète Terre, c'est une créature du temps, une créature de mémoire. L'humain, ce qu'il fait, c'est qu'il le sait spontanément, il enregistre mémoriellement ce qu'il sait, puis après ça, il essaie de s'en servir. Alors là, il essaie de l'expliquer ou il doute, parce qu'il doute de sa mémoire. Parce que spontanément, il sait que la mémoire n'est pas correcte. Alors là, l'humain, il dit, ça donne une saveur supramentale, donc une saveur troisième cerveau, mais c'est mémoriel. Fait que je fais quoi avec ça? C'est parce que tu n'as pas appliqué assez vite. Bon. L'humain va... quand je parle pas appliquer assez vite, là, c'est évident que ça, il y a un moment donné un processus de mutation cérébrale qui s'opère, plus une mécanique ou d'instruction de l'ego, qui va faire en sorte que progressivement l'ego va se retirer, il va vous faire confiance, parce que l'ego va rencontrer Dieu à un moment donné. Puis Dieu, c'est vous. Et vous, vous pensez que vous êtes l'ego. C'est parce que l'ego pense qu'il est vous autres. Mais la conscience, c'est autre chose. La conscience, ce n'est pas mémoriel. La conscience, c'est ça, la divinité. Et l'ego attend. Il va en avoir un. Quand le Christ va revenir, là, il va en avoir un maudit paquet. Pourquoi? Parce que c'est dans la conscience des êtres humains réveillés. C'est l'intelligence instantanée. C'est le phénomène christique. Il n'y a pas de mécanique suffisamment intelligente qui va envoyer un bonhomme. Le grand monarque, il est là pour coordonner. Il n'est pas là pour dire, je suis le Christ, suivez-moi. 5,5 milliards à me suivre. On va où? Tu sais, le Golgotha, on va aller sur l'Everest, on va faire l'Himalaya au complet, si on veut monter sur une montagne par tout le monde. Mais même là, ils n'auront pas assez de place. Juste les hindous, ça, puis les chinois, c'est plus de place. C'est dans la tête, c'est les individus qui vont se brancher à l'énergie christique. C'est pour ça que ça va venir, comme l'humain ne s'y en attend pas. Ça va venir dans l'humain, ça ne viendra pas à l'extérieur de l'humain. Bon, les individus doivent développer chez eux la capacité de se fier à ce qu'ils sont. Pas leur mémoire. Puis comment on discerne? Ben c'est simple, c'est que plus on devient subtil, plus on se rend compte que c'était spontané. Puis que maintenant, c'est mémoriel. Moi, je suis capable de savoir, quand j'ai une information supplémentaire, disons, je sais que c'est oui. Puis immédiatement, je sais que c'est mémoriel. Mais je sais que c'est la mémoire de mon contact spontané. Donc, je sais que le contact était spontané avant d'être mémorisé. Donc, je sais que c'est ça le troisième cerveau. Sauf que l'individu qui n'est juste pas encore assez subtil, c'est pour ça qu'il faut l'expérimenter, c'est-à-dire qu'il faut faire travailler les structures cérébrales, il faut développer son cerveau. Moi, je dis souvent aux séminaristes, prenez des livres d'astrophysique, puis lisez-les. Vous n'allez rien comprendre, mais lisez-les. Prenez des livres de médecine avancée, là, puis lisez ça. Vous n'allez rien comprendre, mais lisez ça. Des livres de mécanique, lisez ça. Il y en a qui vont comprendre, mais qui ne comprendront pas, tu sais, bon. Pourquoi? C'est pas pour apprendre des choses. Ça forme la tête, uniquement. On joue aux échecs un petit peu, là, puis quand on commence à être un petit peu bon, ben là, on arrête de jouer, on joue d'autres choses. Ça forme la tête. Puis en formant la tête, ce qui arrive, c'est qu'on travaille la remutation, la réorchestration du système neuronique, puis on le rend plus efficace, de plus en plus efficace. Les mathématiques, c'est très bon pour ça. D'ailleurs, l'informatique, c'est très bon pour ça. Ça rend le cerveau plus efficace. Alors, à un moment donné, la personne, elle devient tellement subtile qu'elle est capable de savoir que là, ce qui vient de se passer, c'était instantané, c'était spontané. C'était exempt de doute et ça ne contenait pas d'explication. C'était donc supramental. Pour contenir l'explication, il faudrait que l'individu commence à le parler, à le phraséologiser. Puis là, évidemment, c'est pas combien de temps, tu sais, sors-tu, sors-tu pas, oui, je sors parce que, blablabla, tu restes en dedans. C'est très simple, l'information supramentale ne contient pas de doute et n'explique rien. Hein? Je parlais dernièrement à des personnes, puis je leur disais que la meilleure façon de communiquer supramentalement quand tu es directement au contact d'une personne, c'est de ne jamais rien expliquer. Par exemple, je vous rencontre quelque part dans le corridor, sur la rue. Bon, puis là, vous me dites, hey, Daniel, j'aimerais savoir, alors, qu'est-ce que moi chez moi? Parce qu'il y en a qui me font ça des fois, cette affaire-là. Bon. Okay. Fait que là, je leur dis, t'as trop d'ego. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Rien. T'as trop d'ego. Si je commence à y expliquer, ben là, son ego va commencer à embarquer. Puis là, on y va. Puis dedans, c'est tout. Puis là, elle risque de me débrancher. Puis si je me débranche pas, ben là, je risque de la planter. Il va falloir que je l'inhibe. Quand elle va partir inhibée, là, on va être gelé assez. Tu sais? Ça, c'est con. La meilleure chose, vous expliquez pas. Même à nous. Bon, je devrais faire ceci. Ouais, mais pourquoi? Non. C'est intelligent, ça? Ben oui, c'est intelligent, mais je cherche pourquoi. Vos égos veulent contrôler. Ben là, vous saurez plus, vous allez savoir pourquoi ajuster par l'intellect à l'ego, puis finalement, on n'aura même plus d'énergie pour le faire. Alors, l'intelligence supramentale, c'est exempt de doute, puis ça n'explique pas, il n'y a pas d'explication là-dedans, si tu le sais. T'as fini là. Puis t'es sûr. Tu le sais, puis c'est sûr. Sauf que l'humain, il est sûr d'être sûr, puis là, il est plus sûr, parce que là, il se rappelle qu'il savait, puis il est plus sûr. Ou non, il est sûr d'être sûr, mais pourquoi? C'est le cartésianisme. Fait que la personne, il va falloir qu'elle raffine simplement sa subtilité de perception de l'instantanéité. Si je ne passe pas par... Juste une petite chose. Oui. Normalement, et ça, ça fait partie d'un exercice qu'on faisait, à un moment donné, le jeu de la vie. Vous dites quelque chose, puis c'est spontané si vous le savez avant de le dire. Mais c'est spontané si tu ne le savais pas avant de commencer à le dire. Par exemple, pose-moi une question facile. Une question facile. Regardez bien le chien. Question facile. OK. À quoi sert la lumière? Bon, si je commence à répondre à ça, je vais dire la lumière sert, puis là, j'ai immédiatement toute l'information. Puis avant de commencer à répondre, je ne savais pas. J'avais des mémoires. Tu sais, ça sert à être éclairé la nuit, parce que c'est un tibia quand tu marches à ta maison. Bon. Mais là, je commence. La lumière, c'est... Puis là, j'ai subi tout un paquet d'informations. Donc, je sais tout avant de le dire, mais je ne le savais pas avant de commencer à le dire. C'est normalement de l'intelligence supramentale qui vient de passer. Fait que la personne, elle va répondre oui, elle va faire... Oh, là, c'est tout. Elle sait que c'est oui. Puis elle va finir. Oh, oui. Mais là, évidemment, c'était cool. Mais elle sait avant de finir, c'est spontané. Puis si elle savait avant de le dire, c'était probablement mémoriel. À 99,998% des cas, c'était mémoriel. Il reste toujours un petit pourcentage. Juste. Si je ne passe pas par l'écœurement de l'écœurement, c'est quoi? Donne un exemple. C'est quoi? Je sais pas quoi. C'est quoi l'écœurement ou c'est quoi pas d'écœurement? Non, mais c'est parce que présentement, la personne la passe par... Il y a des mécaniques. Puis ça, quand je dis ça, les égos, ils m'aiment pas, ils comprennent pas. Il y a plusieurs personnes. Tu as connu ça un peu, toi, d'une façon moins. Mais c'est. Ils vont passer par l'écœurement de l'écœurement, mais ils commencent par s'écœurer. Après ça, ils vont passer par la jouissance de l'écœurement. Hein? On parle pas au niveau de la tête, on parle au niveau de l'ego. OK? Après ça, ils vont passer par la béatitude de l'écœurement. Oui. Et puis, à un moment donné, ben là, ils vont arriver rarement à l'écœurement de l'écœurement, mais ils vont arriver à un autre palier qui s'appelle l'intransigeance. Là, je n'ai pas le bol, mais je ne suis pas écœuré. C'est parce que là, c'est assez. Mais là, ils ont l'énergie pour commencer à coordonner et à mettre de l'ordre. Sans ça, ils passent par l'écœurement. Normalement, ils arrivent à la jouissance de l'écœurement. La béatitude de l'écœurement. Puis normalement, les individus, là, vont toucher l'autre fourche qui va être l'écœurement de l'écœurement. Ça, c'est la phase initiatique lunaire plus complexe. Maintenant, les personnes qui n'étaient pas habituées de s'écœurer, bien évidemment, eux autres, ils s'écœurent un petit peu, puis ils pensent qu'ils ont atteint l'écœurement de l'écœurement. Qu'est-ce que c'est, écœurer d'être écœuré? Être écœuré d'être écœuré, ça veut dire qu'on est écœuré d'être écœuré. L'écœurement des écœurements, ça devient un mot à un moment donné. Mais quand je suis écœuré, pas de me faire écœurer, quand je suis écœuré d'être écœuré, là, je suis l'ajusteur de pensée qui va commencer à se connecter. Sauf que la personne, si elle a un ego qui, finalement, s'est engourdi, s'est anesthésié à travers l'écœurement, elle tolère encore plein d'affaires autour d'elle qui font partie des structures qui l'écœurent. Alors, tant qu'elle tolère ça, tant qu'elle n'est pas devenue intransigeante, ben là, nécessairement, elle reste encore dans cette anesthésie. C'est une forme de masochisme psychologique pendant... Évidemment! Si je disais, mettons, je dirais à toi, c'est ça que tu faisais. Ben, il va me dire dans sa tête, ben non, au niveau du mental, parce que c'est pas ce qu'il faisait. Non, c'est au niveau de l'ego. Alors, la personne qui s'en est sortie, ça fait un regard en arrière, une rétrospection, on va se dire, ben merde, c'est vrai. Mais dans ma tête, c'est pas ça que je voulais faire. C'est sûr que c'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que la personne doit travailler au niveau de son ego un peu. Mais l'écœurement de l'écœurement, c'est d'être écœuré. C'est pas juste d'être tanné. D'être écœuré. La semaine prochaine, 14 juin, la Terre, une vaste prison. Faut qu'essayer de vous en sortir puis venir nous voir. Il y a eu beaucoup de questions à un moment donné sur les mécaniques extraterrestres, ce qu'on faisait ici, puis on va expliquer un peu. Oui. Travail d'anégoïsation.